Sativa, sativa. Tu veux plus qu'on se parle, sativa, ça m'y va. Là je job la semaine, samedi je vois ma diva. Non tous en fumée, la villa. Quand on a un secret, on dit pas, on dit pas. J'ai cassé la Rolex, Adika, Adika. Et je m'habille en dépit comme Cabella, Cabella. Dédicace au guetteur, assaut en cavale, qu'est-ce qu'il veut l'inspecteur. Tout dans la tête, toujours les pieds sur terre, grâce à Dieu. Dédicace au guetteur, assaut en cavale, qu'est-ce qu'il veut l'inspecteur. Tout dans la tête, toujours les pieds sur terre, grâce à Dieu. J'fume la bedo landa, j'fume la bedo landa, landa, landa. Aïe, dingue, y'a ce qui porte plainte, t'as les porte flingue. Pas peur de vous, même seul contre 5. Mamacita, j'suis ma jean Corsica. Et tu le sais que j'fais la zik comme t'aimes là. En bon 30 sur scène là, toujours dans le top 10 là. Quand j'fume la beuh, je les vois tout sympa. Là j'suis BG, j'fais la coupe al dente. La coupe al dente. La coupe al dente. La coupe al dente. La coupe al dente. Et j'écoute du soca, soca. Et je leur fais la joka, joka. Je fais mal comme un toka, toka. Ils sont à la tonka, tonka. Plutôt tu fais trop le costaud. A la base t'es mignon comme tout. J'aime pas les gens comme tout. Les mythos jaloux comme tout. Moi je les fuck tout. Mets dans la boca, boca. Garde vers voca, voca, voca. Pas le nez dans la coca, choca, ok. J'fais de l'or pas toca, toca, ok. Ok, ok. Skin pas chacal, fuck, fuck. J'roule caché, je smoke, smoke. J'envoie la frappe, je choque, choque. Ok, ok. Skin pas chacal, fuck, fuck. J'roule caché, je smoke, smoke. J'envoie la frappe, je choque, choque. J'fume la bedo landa, j'fume la bedo landa, landa, landa. J'fume la bedo landa, j'fume la bedo landa, landa, landa. J'fume la bedo landa, j'fume la bedo landa, landa, landa. J'fume la bedo landa, landa, landa.